بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce cours numéro 34 dans l'étude du livre Usul al-Iman, les fondements de la foi de l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. L'auteur avait avant cela abordé le sujet de l'ange de la mort, Malakul Maut. Et ensuite il cite une parole d'Ibn Kathir rahimahullah. Et donc il dit وَقَالْ إِنَّهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هَيَّأَهُمْ لَهُ أَقْسَامٌ. Et donc l'auteur il nous dit, et il dit, c'est-à-dire Ibn Kathir rahimahullah, et il se divise en plusieurs types, donc les anges se divisent en plusieurs types en fonction de ce pourquoi il les a créés. En fonction de ce pourquoi Allah Ta'ala les a créés. Ensuite, le temps commence à citer donc cette parole d'Ibn Kathir qui va donc citer les types d'anges. Et il dit « فَمِنْهُمْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ » Il y a alors parmi eux ceux qui portent le trône. « وَمِنْهُمْ الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة المقربون كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Ensuite il dit رحمه الله. Et il y a parmi eux El-Karubiyoun. Donc des anges qui sont appelés El-Karubiyoun. Ceux qui sont autour du trône. Et donc avant, on a cité ceux qui portent le trône. Et maintenant, ceux qui sont autour du trône. Et ils sont avec les anges qui portent le trône. Ils sont avec les anges qui portent le trône. Ils sont avec eux, ils forment avec ces anges-là les anges les plus nobles, ceux qui sont les rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme Allah l'a dit « La yastankif al-Messih ou an yakuna abdan lillah wa lal-malaikatul mukarraboun » Le Messie, ainsi que les anges rapprochés, ne trouveront jamais indigne le fait d'être des serviteurs d'Allah. Le fait d'être des serviteurs d'Allah. فَيَذْكُرُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا كَلَامَ الْإِبْنِ كَفِيرَ كَمَا تَقَدَّمْ فِي أَقْسَامِ الْمَلَائِكَةِ. Et donc l'auteur ici, il cite une parole d'Ibn Kathir, comme on l'a dit précédemment, une parole d'Ibn Kathir qui montre donc les différents types d'anges. وَذَكَرَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَذَكَرَ مَعْهُمْ الْكَرُوبِيِّينَ. Et donc, l'auteur, il a cité les anges qui portent le trône, et il a cité aussi, avec eux, il a cité « الْكَرُوبِيُّونَ. وَهَذَا اللَّفْظُ الكروبيون استخدمه بعض العلماء كابن تيمية وابن كثير وغيرهم رحمة الله على الجميع وليس هناك دليل صحيح على أن من الملائكة قسما يعرف بالكروبيين. Et ce terme الكروبيون, c'est un terme qui a été utilisé par plusieurs savants, comme Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir et d'autres, qu'Allah fasse miséricorde à tous. Cependant, Il n'y a pas de preuve authentique qui montre que parmi les anges, il y a un groupe ou qu'il y a un type d'ange qui soit appelé El Karoubiyoun. فَنَحْنُ نَقِفُ مَعَ النَّصِ خَاصَّةً أَنَّ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ أَوْ مِنْ أُمُورِ أَوْ مِنَ الْغَيْبِيَاتِ. Et donc nous nous arrêtons là où il y a des preuves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves en ce sujet, nous ne pouvons pas avancer cela. Particulièrement que ce sujet fait partie des sujets de l'invisible. Et donc, nous ne connaissons pas, il n'y a pas de preuve textuelle qui parle d'ange appelé El Karoubiyoun. ثم وصل المؤلف في سرد أقسام الملائكة. Ensuite, l'auteur il continue à citer les différents types d'anges et il dit: ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا وصباحا ونهارا. Comme قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Et il y a parmi eux, parmi les anges, il y a les habitants des cieux, des sept cieux, donc qui vont remplir le ciel dans l'adoration donc perpétuelle, l'adoration perpétuelle jour et nuit, matin et soir. Comme l'a dit Allah Ta'ala, يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ils vont prôner sa gloire jour et nuit, ils vont prôner sa gloire jour et nuit et ne se lassent pas. Il continue l'auteur en disant: ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. Il y a parmi eux donc les anges qui vont aller et qui vont se suivre, donc l'un après l'autre, donc dans Al-Bayt al-Ma'mour. Al-Bayt al-Ma'mour, donc la maison dans le ciel, comme on a cité précédemment. Ensuite, l'auteur, il nous dit Kultu, c'est-à-dire que ce qu'il a cité avant, c'était la parole d'Ibn Kathir. Et maintenant, l'auteur qui nous dit Kultu, c'est-à-dire je dis, et donc c'est l'auteur Mohammed Ibn Abdel Wahhab qui parle, il nous dit je dis. والظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور هم سكان السماوات. Il dit, et ce qui apparaît, donc selon l'auteur, la vie la plus juste pour lui ici, c'est que les anges qui vont aller donc dans le Bayt al-Ma'mour, la maison qui est dans le ciel, appelée El Bayt al-Ma'mour, les anges qui vont y aller, ce sont eux-mêmes les anges des habitants des cieux. C'est-à-dire qu'on voit dans la parole d'Ibn Kathir, rahimahullah, qu'il fait une distinction entre les habitants des cieux et entre ceux qui vont aller dans le Bayt al-Ma'mour. Donc il y a deux types d'anges ici. L'auteur, lui, il nous dit ce qui est le plus apparent, wallahu a'lam, c'est que, en fait, les anges, les habitants du ciel, ainsi que les anges qui vont dans le Bayt al-Ma'mour, forment le même groupe d'anges. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Les anges qui vont dans le Bayt al-Ma'mour, ce sont eux les habitants du ciel. Et ensuite, il continue à citer donc la parole de l'auteur, la parole d'Ibn Kathir, rahimahullah. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِالْجِنَانِ وَإِعْدَادِ الْكَرَامَاتِ لِأَهْلِهَا لِسَاكِنِيهَا مِنْ مَلَابِسْ وَمَآكِلَ وَمَشَارِبَ وَمَسَاكِنَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Et donc il continue, rahimahullah, donc il nous cite la parole d'Ibn Kathir, et il y a parmi eux, donc parmi les anges, ceux qui sont responsables des jardins, des paradis, donc des différents jardins, et le fait de préparer, donc, les dons et de préparer les récompenses pour les gens du paradis, et aussi de préparer leur venue, de préparer leur accueil. L'accueil pour les gens du paradis, ceux qui vont habiter au paradis. Préparer leur accueil, donc avec des vêtements, des boissons, de la nourriture. Et des demeures et autres que cela. Parmi les éléments que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et que aucun ne peut y songer, personne ne peut y penser, à ces choses, à ces récompenses. Et subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, oh cher frère, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum » Et donc les gens du paradis, lorsqu'ils rentrent au paradis, les anges, les gardiens du paradis leur disent « Salamun alaykum » La paix est sur vous. Donc ces anges qui étaient déjà là, qui ont déjà préparé la venue des gens du paradis. « Wa hadha yudhakkiruna bi mas'alatin ukhra » Et cela nous rappelle un autre sujet. En réalité, les frères, c'est la mort des anges. La mort des anges. Fa'in ibn Hazm, rahimahullah, ذهب إلى أن الملائكة لا تموت لأنهم سكان الجنة والجنة دار لا موت فيها. Ibn Hazm, rahimahullah, il voit que les anges ne meurent pas, car ce sont eux les habitants du paradis. Et que le paradis est une demeure dans laquelle il n'y a pas de mort. Personne ne meurt au paradis. Wa hadha ghayru sahih. Fa inna Ibn Hazm rahimahullah masbukun bil ijma' kama dhakarahu Ibn Kathir rahmatullahi alayhi. Et cette parole d'Ibn Hazm, elle n'est pas correcte, car Ibn Hazm rahimahullah, il a été précédé par l'unanimité des savants. Comme l'a cité Ibn Kathir, rahimahullah. Ibn Kathir, rahimahullah, il a cité l'unanimité des savants sur le fait que les descendants de Adam vont mourir, ainsi que les djinns et les anges. Ainsi que les anges. Même l'ange de la mort, même l'ange de la mort, comme cela a été cité de façon authentique, lui aussi va mourir. Et donc, l'avis le plus juste sur lequel il n'y a nul doute, c'est que les anges aussi connaîtront la mort. Ensuite, l'auteur, il continue, rahimahullah, à citer les types d'anges. Et il nous dit, « Wa minhum al-muwakkaluna bin-nar, a'adana Allahu minha » Il y a parmi eux ceux qui sont chargés du feu, donc de l'enfer. Ensuite, il dit qu'Allah nous en protège. Et ces anges, les anges du feu, ce sont Az-Zabaniya. Et donc, les plus mis en, ceux qui sont le plus mis en avant parmi ces anges, ils sont 19. Ils sont 19, des anges qui sont mis en avant parmi les gardiens de l'enfer. وَخَازِنُهَا مَالِكِ Et aussi, donc, le gardien de l'enfer, qui est Malik, qui est appelé Malik. وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْخَزَنَةِ Et lui, Malik, lui, il est plus mis en avant que les 19 autres qu'on a cités précédemment. وَهُمُ الْمَذْكُورُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى Et ce sont eux qui sont cités dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ Et ceux qui sont dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, appelez votre Seigneur, invoquez votre Seigneur, qu'il diminue sur nous le châtiment, ne serait-ce qu'un jour. Qu'il diminue le châtiment, qu'il diminue sur nous le châtiment un jour. Ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa nadaw ya malik li yaqdi alayna rabbuk, qala innakum makithun. Et il dit, ô malik, que ton Seigneur nous donne la mort, ils n'en peuvent plus de ce châtiment. Que ton Seigneur nous donne la mort, il répond en leur disant, Innakum makithun, vous y resterez. Il n'y a pas de mort, vous resterez dans cette situation dans laquelle vous êtes. Et ensuite, il continue, donc il dit, il cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aliha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Et donc, il y a, donc, dans l'enfer avec ses gardiens, sont des anges, ghiladun, durs, shidadun, rudes. Ils ne désobéissent pas à Allah. Ils ne lui désobéissent pas concernant ce qu'il leur a ordonné. Et ils font ce qu'il leur est ordonné. On a vu dans le tafsir, les frères, ce sujet, le fait que ces anges, Al-Khazana, ils ont cette caractéristique. Le fait qu'ils sont durs, rudes, le fait qu'ils obéissent à ce qu'il leur est ordonné, et qu'ils font ce qu'il leur est ordonné. Ici, une personne peut penser qu'il y a une répétition. Non, il n'y a pas de répétition. Ceci est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il nous montre deux choses bien différentes. La première est que les anges, ils obéissent à Allah, tabaraka wa ta'ala, concernant ce qui leur a été ordonné. Ils lui obéissent, et donc ils ne vont pas désobéir à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils ne désobéissent pas à leur Seigneur. La deuxième est qu'ils font ce qui leur est ordonné. C'est-à-dire que Allah leur a donné la capacité de faire ce qui leur est ordonné. On a cité des exemples dans les cours de tafsir. On a vu que l'être humain, il se peut qu'il ne désobéisse pas à Allah tabaraka wa ta'ala, mais il ne fait pas ce qui lui est ordonné. Parce qu'il n'en a pas la capacité. Et donc, il n'a pas désobéi. Quelqu'un qui ne peut pas jeûner Ramadan, il n'a pas désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Cependant, il n'a pas la capacité de faire ce qui lui a été ordonné. Cependant, mais les anges, eux, non seulement ils ne désobéissent pas aux ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais en plus de ça, Allah, tabaraka wa ta'ala, leur a donné la capacité de faire tout ce qu'il leur a ordonné. Subhanallah. Et donc ensuite, l'auteur, il continue. Et il nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Aliha tis'ata ashar. Ils seront 19, c'est-à-dire les gardiens de l'enfer. 19. Wa ma ja'alna ashab an-nar illa mala'ika. Nous avons fait que les gardiens de l'enfer ne sont que des anges. Ne sont que des anges. Jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ. Et il n'y a que lui, c'est-à-dire il n'y a que Allah qui connaisse l'armée de ton Seigneur. Qui connaisse les armées de ton Seigneur. Le Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, ici, il nous dit, écoutez bien cette parole, il nous dit le Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, لَمَّا سَمِعَ أَبُو جَهْلٍ أَنَّ عَدَدَ الْمَلَائِكَةِ الذين على النار 19 قال لقريش أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم. Lorsque Abu Jahl a entendu que le nombre des gardiens de l'enfer est de 19, il a entendu que le nombre des gardiens de l'enfer est de 19. Ils seront 19, les responsables de l'enfer. Abu Jahl, il a dit aux habitants de Quraysh, êtes-vous incapables, c'est-à-dire ici il les appelle, êtes-vous capables du fait que 10 d'entre vous prennent un parmi les hommes qui gardent l'enfer et qu'il le terrasse. C'est-à-dire, en fait, il voulait dire ça à Abu Jahl pour se moquer. Pour se moquer des anges de l'enfer. Comment ça, ils ne sont que 19? Ah ouais, ils ne sont que 19. Ah ben nous, on est nombreux, nous. On est nombreux. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit, فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَ. Alors Allah, il a fait descendre sa parole Nous n'avons fait des gardiens de l'enfer que des anges. Aïe, leïsou min al-bachar. Il dit Cheikh al-Fawzan, c'est-à-dire, ils ne font pas partie de la race humaine. Ce ne sont pas des êtres humains. Pensez-vous avoir le dessus sur eux? Ce ne sont pas des êtres humains, ils ne sont pas comme vous. Fahum malaïka, ce sont des anges. وَلَا يَعْلَمُ مُدَقُوَّتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى. Et il n'y a qu'à Allah Ta'ala qui connaisse la puissance de ses anges. Et donc ça c'est important. Regardez comme il s'en est orgueilli Abu Jahl. Et il n'a pas tenu compte du fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala fait ce qu'il veut, il est capable de tout. Regardez ce qu'on a vu précédemment concernant la puissance des anges. La puissance de Jibril à lui tout seul, qui a porté plusieurs villes et les a retournées. Et ensuite, ils vont nous dire 10 hommes pour se charger d'un ange. Subhanallah. Subhanallah. Parfois, les incroyants, ils peuvent sortir des paroles surprenantes. Des paroles surprenantes. Ensuite, il continue l'auteur, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, à citer donc la parole d'Ibn Kathir. Ibn Kathir qui nous dit « Wa minhum al-muwakkaluna bihifzi bani Adam ». Ah, ça c'est important. Ça, c'est important donc. Concernant le cours d'aujourd'hui, et on le verra aussi, je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais on le verra, Inch'Allah, très prochainement. Très prochainement, on reparlera de ce sujet. « Bi'idhnillahi ta'ala ». وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِحِفْزِ بَنِي آدَمَ كَمَا قَالَ تَعَالَى لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Et il y a parmi eux ceux qui sont chargés de protéger les enfants de Adam, la descendance de Adam. Comme l'a dit Ta'ala, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Il a des anges derrière et devant lui qui le protègent de l'ordre d'Allah. Naam. Qal Ibn Abbas, l'auteur qui nous dit après cela, il nous cite la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Malaikatun yahfadhunahu min bayni yadihi wa min khalfihi, fa idha ja'a amrullahi khallaw anhu. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui nous dit des anges qui le protègent de devant et derrière lui. Et lorsque vient l'ordre d'Allah, c'est-à-dire la mort, alors ils partent, ils le délaissent. Alors ils le délaissent. Et donc, ici, c'est l'auteur qui nous montre ces anges qui sont chargés de nous protéger. Ces anges qui sont chargés de nous protéger et que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a placés pour nous protéger. Il nous dit après cela, wa qala Mujahid, et Mujahid qui dit, ma min 'abdin illa wa malakun muwakkalun bihifzihi. Il n'y a aucun serviteur sans qu'il n'y ait un ange qui soit chargé de le protéger. Fi nawmihi wa yaqadhatihi. Qu'il soit endormi ou réveillé, subhanallah, pendant que tu dors, un ange te protège. Min al-jinn wal-insi wal-hawam. Ces anges, ils te protègent des djinns, ils te protègent des êtres humains et aussi de toutes les bêtes qui sont dangereuses, qui peuvent avoir différents types de poisons ou autres. Fama min hashayun ya'tihi yuriduhu illa qala lahu wara'ak. Il n'y a rien de tout cela, donc parmi les djinns ou les hommes ou autres, qui veut un danger à cet être humain, qui veut lui faire du tort, rien qui ne vienne sans que cet ange lui dise « Wara'ak, recule, recule !»« Illa shay'un ya'danu Allah ta'ala fihi fayusibuhu » Sauf une chose dont Allah lui permet, alors, à ce moment-là, cette chose va atteindre cet être humain. Et donc, cet ange, il te protège. Sauf si Allah Tabaraka wa Ta'ala donne la permission à cette chose de passer. Et à ce moment-là, l'ange, il laisse cette chose passer. Sinon, l'ange, il lui dit, Wara'ak, recule. Et beaucoup de personnes donc, qui ont peur parfois des djinns, qui ont peur de ce qu'ils ne voient pas. Alors nous leur disons, regardez, ici, ces anges qui vous protègent, ne les oubliez pas, n'oubliez pas que Allah tabaraka wa ta'ala, il envoie vers nous des anges qui nous protègent. Mettez votre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas au raqi ou à l'imam ou à un tel. Mets ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui envoie les anges pour te protéger. Et c'est lui qui ordonne aux anges de te protéger. Et c'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, qui décide si cette chose qui vient te faire du tort, elle passe cette barrière ou pas. Et donc toi, tu dois t'en revenir à Allah tabaraka wa ta'ala et lui demander la protection. Parfois des enfants qui ont peur aussi le soir, ils ont peur. Malheureusement, des parents qui laissent leurs enfants regarder des dessins animés, les enfants qui vont voir des monstres, etc., et ensuite avoir peur le soir. Nous devons rassurer nos enfants en leur enseignant ce genre de choses. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il envoie des anges qui protègent de toutes choses. Et qu'il n'y a pas à craindre. Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. Et ce passage-là, on le reverra, inshallah ta'ala, la semaine prochaine ou la semaine d'après, Allahu a'lam, en fonction de ce qu'on pourra expliquer au prochain cours, inshallah ta'ala. On va arrêter là pour aujourd'hui, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.